L'actualité à Nancy et ailleurs. Nancy accueille le premier forum des métiers de la justice du Grand Est. Ce sera le jeudi 6 juin à la Maison régionale des sports de Tomblaine. Bernard Leuillet, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes délégué interrégional du secrétariat général Grand Est. Pourquoi cette première édition de ce forum des métiers de la justice du Grand Est à Nancy ? Oui, tout à fait. Alors on lance, comme vous l'avez souligné, le premier forum consacré exclusivement aux métiers de la justice. Pour nous, ça représente, et quand je dis pour nous, c'est pour tous ceux qui représentent la justice dans le Grand Est. Je pense notamment aux services judiciaires, à l'administration pénitentiaire, à la protection judiciaire de la jeunesse. C'est pour nous l'occasion donc de faire connaître nos métiers et nos missions. Enfin, il faut peut-être se rappeler, parce qu'on le sait peut-être probablement pas, qu'on est quand même plus de 8000 agents du ministère de la Justice sur la région Grand Est, et donc qu'il y a une vraie opportunité de rejoindre le ministère de la Justice. Donc le but de ce forum, c'est de venir présenter nos métiers et nos offres d'emploi qui sont très variées. Voilà, et plus de 60 métiers seront représentés à ce forum. Plus de 60 métiers, des découvertes de métiers parfois méconnus, j'imagine. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, comme beaucoup de métiers, on ne sait pas exactement tout ce qu'il y a derrière. On connaît peut-être les métiers les plus emblématiques, comme magistrat, greffier ou surveillant d'établissements pénitentiaires ou éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Mais comme je vous l'ai dit, il y a plus de 60 métiers, c'est-à-dire qu'on a énormément de métiers très variés qui vont notamment dans des métiers support. On recrute, par exemple, de manière assez importante dans l'informatique, et vous verrez sur le forum d'ailleurs qu'on a un atelier plus spécialement dédié aux métiers informatiques. On recrute dans les fonctions achats, on recrute dans les fonctions administratives, on est très ouvert pour le recrutement de personnes en situation de handicap, mais on recrute aussi, on le sait peut-être un peu moins, on recrute aussi pour nous des gens qui sont soit en stage ou même des apprentis. Donc on a une vraie opportunité de recrutement qui peuvent être aussi des recrutements alors de fonctionnaires, puisque évidemment dans l'administration on recrute des fonctionnaires qui ont vocation à faire carrière, mais on recrute aussi des agents contractuels qui viennent renforcer nos équipes et à des niveaux de recrutement extrêmement variés. Oui, parce que souvent quand on parle de ce type de métier, on imagine qu'il faut forcément passer des concours, mais c'est pas forcément le cas. Non, alors effectivement, le recrutement traditionnel dans l'administration est bien naturellement le concours, pour des raisons historiques et pratiques qu'on connaît, mais c'est pas forcément toujours le cas. D'une part, parce que certains métiers spécifiques nécessitent un recrutement qui ne soit pas un recrutement forcément de fonctionnaires. Je pense par exemple dans les métiers que j'évoquais tout à l'heure, de métiers informatiques, où on recrute pas mal de contractuels. Il y a aussi des métiers dans d'autres domaines un peu pointus, mais aussi quelquefois pour remplacer des fonctionnaires absents temporairement ou pour venir renforcer nos moyens quand on a des postes temporairement vacants. Quelqu'un, je sais pas, imaginez, malade assez longtemps, etc. Donc on a besoin de renforcer et on offre là la possibilité de venir travailler temporairement au ministère de la Justice ou de manière plus longue d'ailleurs, où on peut avoir aussi des agents contractuels qui passent du temps chez nous au ministère de la Justice. Donc en vous écoutant, on comprend qu'il y a une énorme diversité de métiers possibles et aussi ça peut intéresser beaucoup de personnes aujourd'hui et des jeunes particulièrement. Absolument. Le forum est tourné vers les étudiants, les lycéens, les demandeurs d'emploi, de dire aussi à des jeunes qui sont à l'école, de dire écoutez, vous pouvez réfléchir dans le cadre de votre parcours d'étudiant, de lycéen, à des métiers, à faire carrière, à passer des concours au sein de l'administration, qui peuvent être des concours de différents niveaux. Ça peut être un concours, évidemment, on pense à l'École nationale de la magistrature, mais on peut être aussi greffier, on peut être surveillant d'établissement pénitentiaire ou occuper des postes plus importants. On pense aussi à des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais pas seulement. On a aussi des recrutements qui commencent sans concours, des recrutements de plus bas niveau. Donc on peut effectivement avoir un panel d'emplois qui va d'un recrutement bac plus 4, bac plus 5, à des recrutements en dessous du bac. Et ces postes sont aussi des postes qu'on recherche. Et ces gens qui rentrent chez nous ont aussi la possibilité de faire carrière. Pour la petite histoire, j'avais une réunion hier avec l'administration pénitentiaire. La personne qui était présente me disait « On a une personne de chez nous a été recrutée comme surveillant d'établissement financier. Il est aujourd'hui directeur. » Donc il couvre une grande région. C'est le chef d'une grande région. Donc il y a c'est encore des parcours qui sont peut-être encore exceptionnels. Mais il y a une vraie possibilité d'un déroulement de carrière au sein du ministère de la Justice. Ou alors d'y passer un temps, de faire son apprentissage, d'y faire un stage, de venir en renfort et d'acquérir en fait un savoir-faire professionnel, mais aussi une expérience professionnelle enrichissante à mon avis. Le 6 juin, c'est le jeudi à la Maison régionale des sports de Tomblaine. Vous avez évoqué des ateliers, vous avez parlé aussi d'école. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur place lors de cette journée ? Déjà, et comme vous le soulignez à juste titre, on aura évidemment des représentants de nos métiers traditionnels, hein, c'est-à-dire des représentants des services judiciaires, c'est-à-dire de la Cour d'appel de Nancy et des services des tribunaux. On aura des représentants de la Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse. On aura des représentants de la Direction des services pénitentiaires, évidemment le secrétariat général, mais on aura aussi présent lors de ce forum, qui se tient d'ailleurs de 9h à 17h, on aura présent l'école LIRA, hein, évidemment qui forme les fonctionnaires. On aura l'IPAG, hein, qui prépare au concours. On a aussi, je pense qu'il est utile de le rappeler, qu'on a un partenariat qui a été extrêmement utile parce qu'on a réuni nos forces pour faire ce forum. On a donc le partenariat, une présence forte de la région Grand Est, dont vous connaissez hein, l'implication, notamment dans tout ce qui est formation et prise en charge des jeunes. Et on aura aussi, évidemment, au cœur du dispositif, et notamment, je pense, aux personnes qui cherchent un emploi, France Travail et Cap Emploi, qui sont extrêmement investis sur ce forum. C'est-à-dire qu'on va avoir ici rassembler en fait les métiers de la justice, les métiers et les acteurs tournés vers la recherche d'emploi et l'accompagnement de ceux qui cherchent un emploi. Donc je pense qu'on va arriver à réunir ce jour-là autour de la table tous ceux qui peuvent en fait aider et orienter ceux qui cherchent à trouver un emploi et à mieux connaître le ministère de la Justice et ses opportunités d'emploi. Donc de réelles opportunités, on vient simplement le jeudi 6 juin à la Maison régionale des sports de Tomblaine, bien sûr muni peut-être d'un CV. Voilà, vous venez, alors les jeunes effectivement peuvent venir soit, j'imagine, parce que j'étais jeune il y a quelques temps et on y pense, soit venir se renseigner, parce qu'ils vont découvrir, les jeunes, je pense, ou les demandeurs d'emploi, ils vont découvrir, je pense, des métiers qu'on ne soupçonnait pas au départ, et qu'on peut offrir au sein du ministère de la Justice. Et puis il y en a qui sont tout de suite opérationnels, qui veulent travailler, qui veulent venir avec notre CV, parce que nous aussi, on recherche tous, hein, j'entends ceux qui sont présents, actuellement, on recherche des emplois. Effectivement, quelqu'un qui est intéressé peut venir avec son CV et le déposer et lui dire, bah, écoutez, est-ce que voilà, j'ai ça, est-ce que ça correspond ? Oui, il y a tout à fait utilité à venir avec son CV ou venir simplement pour se dire, aujourd'hui je suis lycéen, je suis étudiant, la justice ça m'intéresse, mais comment je peux y aller ? Comment je peux dire ? Il y a énormément d'opportunités qui peuvent leur être présentées. Et comme vous l'avez souligné, je crois que je n'ai pas répondu tout à l'heure, on a aussi deux ateliers qui sont mis en œuvre. Un atelier qui est plus dédié au recrutement de personnes en situation de handicap, parce qu'on a aussi, vous savez, au-delà des quotas, hein, puisqu'il y a une obligation de recrutement dans l'administration, mais on a aussi une vraie volonté hein, d'intégrer les personnes en situation de handicap, donc on fait un atelier sur ce point, et puis on fait un atelier parce qu'il est mal connu et que c'est un sujet de plus en plus présent, en tout cas dans les administrations, qui est le recrutement d'agents informatiques, de personnel ayant une connaissance dans le domaine informatique. Merci beaucoup Bernard Leuillet, donc c'est une première édition à Nancy, vous imaginez que ce rendez-vous pourrait se répéter à l'avenir ? Eh bien, écoutez, nous on le souhaite, hein, parce que effectivement la région Grand Est est assez grande. C'est pour nous aussi un premier test. Alors quand on commence, il faut aussi que ça monte en puissance. C'est aussi pour nous un premier test. On fera une évaluation à la sortie en se disant voilà, est-ce que ça a attiré du monde ? Est-ce que ça a un vrai intérêt ? Est-ce que nous-mêmes on y a trouvé un public attentif ? Est-ce que ça répond à notre attente ? Mais effectivement, on souhaiterait le reconduire, notamment dans les différentes grandes villes, si on peut dire, de la région. Hein. Il peut y avoir une proximité, si vous voulez, dans le recrutement. Autant certains postes, on sait quand on va postuler qu'on devra bouger. Mais on a aussi des postes très localisés où les gens cherchent un emploi, où les jeunes, où les gens cherchent un emploi plutôt près de chez eux. Et le ministère de la Justice est implanté dans des tas d'endroits. C'est-à-dire qu'on a, je crois, alors j'ai peur de vous dire une bêtise, donc je ne dirai pas le chiffre, mais je le rechercherai, mais on a des tas de sites de proximité. Il y a des tas de petites unités ou de grandes unités qui cherchent des recrutements au plus près, peut-être, du domicile des gens. Et donc, il y a aussi un vrai intérêt de proximité dans le recrutement. Donc, effectivement, comme vous le saignez, on souhaite le reconduire et le reproduire après dans d'autres villes de la région Grand Est. Voilà, merci. merci pour tous ces arguments. Rendez-vous donc le jeudi 6 juin à partir de 9h à la Maison régionale des sports de Tomblaine. Merci beaucoup Bernard Leuillet. Je rappelle que vous êtes délégué interrégional du secrétariat général Grand Est. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.